La date du mariage était fixée au 12 septembre. Lord Clarence demanda qu'elle fût reportée au 1er octobre, puis au 15. Il n'alléguait aucun argument, ne donnait aucune explication, se retranchant derrière cette seule parole « Cela vaut mieux ainsi ». À deux reprises, je fus obligé d'écrire à ma mère de remettre son voyage. Elle devait, le soir des noces, emmener en Savoie la petite fille d'André avec la gouvernante. Je ne comprenais rien à ses atermoiements. Scrupule d'idéaliste, resté très jeune, à 38 ans. Voulait-il mériter sa joie, maîtriser son impatience, se châtier parce qu'il aimait trop? André ne disait rien, elle gardait sa confiance totale, son sourire tendre. Cependant, il était impossible de ne pas remarquer que parfois il se détournait d'elle avec une sorte de terreur. Craignait-il de ne pouvoir la rendre heureuse? En vain, j'essayais de découvrir les raisons de mon ami. En vain, je l'observais avec une attention redoublée. Peut-être s'en aperçut-il. Il m'évita, oublia de venir me chercher. Je l'ai peu vu au cours de ces dernières semaines. 3 jours avant le mariage, oui, le 13 octobre, j'étais chez moi. J'avais laissé le crépuscule entrer par la fenêtre ouverte, et je demeurais là, sans penser, lorsque j'entendis vaciller le battant de la porte. Je me retournai et je fus en face d'André. André ! Était-ce le ciel de cendre verte qui la rendait si pâle ? Elle tendit ses mains brûlantes comme un noyé s'accroche à une épave. Ses yeux un peu égarés vaguaient dans la chambre. Elle s'assurait que nous étions bien seuls. « André, que se passe-t-il ? Écoutez, mon ami !» Sa voix s'arrachait avec peine à sa gorge contractée. J'avançai un fauteuil, je la fis asseoir, et pour lui laisser le temps de se remettre, je demandai « Voulez-vous que je ferme la fenêtre ?» Elle fit signe que non. Elle se pencha pour mieux respirer l'air vif qui gonflait les rideaux. Puis elle me regarda et dit presque sans souffle « Pierre !» Je me rappelais le temps où, déjà grand garçon, je consolais ses chagrins de fillette. Toujours, je l'avais considérée comme une petite sœur, trop chérie, qui me prenait pour confident. Un instant, je détestais Clarence comme j'avais détesté Vladimir, parce qu'elle pleurait. Oui, elle pleurait. Le bruit de ses sanglots me tira de ma rêverie apitoyée. Je demeurai devant elle, inquiet et abasourdi, n'osant risquer une parole et la laissant au pauvre bienfait des larmes. Elle releva enfin la tête et murmura « Savez-vous d'où je viens ? De la gare de Lyon. J'ai pris un billet pour Genève. Oui, je m'enfuyais. Et puis, au dernier moment, le cœur m'a manqué. » Je retrouvais ma voix et parlais de l'amour de Clarence. Elle écoutait les paroles qui berçaient sa peine. Un misérable sourire vint à ses lèvres. « Pierre, il y a des moments où il semble que je lui suis odieuse. » C'est lorsque nous sommes seuls. Je ne sais comment vous dire, vous expliquer. À travers les réticences, je comprends, j'achève les paroles écourtées. Je me figure Clarence constamment autour d'elle, et je devine. Pierre, chaque fois qu'il se rapproche davantage, je vois ses yeux changer, devenir fixes et remplis d'épouvante. Alors il s'arrache de moi, il se promène à grands pas, il passe la main sur son front comme pour écarter quelque chose. « Il ne faut pas que cela vous inquiète à ce point. » Elle continue, sans entendre. « Cet après-midi, nous étions dans notre maison. Les ouvriers sont partis. Nous sommes restés seuls dans le petit salon. Ce petit salon que vous connaissez, où Duncan a fait mettre tous ses tapis rares, ses tentures brodées. Alors, elle se tait brusquement. » Elle murmure à travers ses sanglots « Non, cela me fait trop mal. » Il lui a dit « Mon amour. » Il l'a prise dans ses bras. Il lui a parlé de tout près en cherchant ses lèvres. « André, vous n'êtes pas des enfants et vous serez sa femme dans 3 jours. » Alors, poursuit-elle, presque sans voix, j'ai vu ses yeux se dilater d'horreur. Il a jeté un cri, il m'a repoussé, il s'est sauvé comme un fou. Ses larmes se remettent à couler, elle gémit. « Je ne peux pas le supporter. Je veux partir, partir !» Je la laisse se calmer de nouveau. J'ai là une explication toute prête que je vais administrer comme un calmant. Alors je lui dis, de ce ton de souveraine raison qu'on prend pour rassurer les enfants, « Mais les enfants ne sont pas dupes. André, rappelez-vous comment Duncan a été élevé, en puritain, devant qui l'on a cessé de dresser comme un épouvantail le péché de la chair. Il a beau ne point pratiquer son culte et se plonger dans l'étude des religions de l'Orient, il est resté le puritain idéaliste. Voyons, croyez-vous qu'un Français raisonnable vous aurait attendu aussi longtemps, alors que vous étiez libres tous les deux et que rien ne s'opposait à votre bonheur ? Elle a relevé la tête et son regard anxieux me supplie de parler encore. Ne voyez-vous pas qu'auprès de vous, il craint de succomber à ce qu'il appelle la tentation ? Il s'arrache de vous, il vous écarte, il souffre par excès de scrupules. Il s'imagine que son amour serait moins pur, moins complet, s'il le goûtait d'avance. Qui sait, il s'imagine qu'il aurait des remords, qu'il serait puni peut-être, et vous avec lui. Le visage désespéré semble renaître à la vie, les yeux si mornes ont brillé. André, je ne sais si vous pouvez vous représenter, il y a des blessures dans le tendre organisme d'un enfant qui ne peuvent jamais guérir. Cette maladie du scrupule, qui a sa beauté morale, est aussi une faiblesse. Duncan m'a raconté qu'il avait passé des nuits d'angoisse, en s'imaginant qu'il était un abominable pécheur, parce qu'il avait dit sans le vouloir un mensonge que personne n'avait entendu. André se mit à sourire. « Vous avez raison, murmure-t-elle, il me considère comme son mensonge. Jusqu'au moment où il pourra afficher son amour, vous emmener à travers une église à son bras. Il ne veut vous tenir que de la main du pasteur, André. Ensuite, vous verrez, tout s'équilibrera dans le bonheur. Vous le guérirez de ses scrupules, de ses mauvais souvenirs, des cauchemars qui ont terrorisé l'enfant et qui reparaissent chez l'homme. Il mérite à tel point d'être heureux. » J'ai parlé longtemps, avec précaution, évitant de la blesser en blâmant Clarence. Et pourtant, j'étais irritée contre lui. Cette femme délicieuse, et qu'il l'aime à ce point, peut-on ainsi galvauder son bonheur ? Peut-être désire-t-elle trop être convaincue, et tout en plaidant, je me suis persuadée moi-même. Dans une lueur subite, j'ai revu le Bouddha précipité dans le gouffre. Le Bouddha, c'était encore un scrupule, sans doute. Duncan redoutait cette idole trop belle qui l'agitait et le détournait de son Dieu. Et à ce scrupule, il risqua, sans hésitation, de sacrifier notre amitié, comme il risque aujourd'hui de sacrifier son amour. Et tout cela me paraît si pitoyable que je commence à lui pardonner. André est parti un peu rasséréné. J'avais combattu l'instinct profond qui la portait à fuir. Je la livrais à sa destinée. Ce même soir, nous devions dîner chez elle. J'arrivai après Lord Clarence, et je dis à André en lui baisant les mains, « Comment allez-vous, cher ami, depuis que je ne vous ai vu ?» Par prudence, j'ajoutai, « Avant-hier, je crois bien, vous aviez un peu de migraine. » Elle a répété machinalement, « Avant-hier. » Alors, je sentis le regard de Duncan se poser sur moi, et ce fut comme s'il tirait à la lumière mon innocent mensonge. Il me sembla qu'un miroir était dressé devant mon être intérieur et que chacune de mes impressions les plus secrètes s'y reflétait au grand jour. Cela dura quelques secondes, intolérables. Et puis je sentis comme une délivrance, les yeux noirs se retirer de moi, se diriger sur André. Je la vis rougir. Ils nous lâchèrent enfin. Duncan s'éloigna brusquement, comme s'il eût voulu nous laisser le temps de nous concerter. Il ferma la porte et se mit au piano. Des arpèges brillants s'enchevêtrèrent. Le reproche d'André me fit sursauter. « Vous lui avez dit, ô cher ami, et le secret professionnel ?» Elle reprit à voix basse, avec une sourde frayeur. « Tout à l'heure, quand je suis rentrée, il m'attendait. Il m'a dit, vous vouliez partir, me fuir. Vous êtes allée jusqu'à la gare, vous avez pris votre billet. Que voulez-vous que je réponde, sinon l'assurer que je l'aime ?» Vous avez été rencontré, reconnu, André. » Elle secoua la tête, elle eut un regard qui ressemblait à celui de Duncan, et s'adressait à des images lointaines. « Pierre, il y a des jours où il me semble qu'il sait tout ce que je pense. Et vous voyez, il sait que j'ai voulu lui échapper. Il sait que vous venez de lui mentir. » Elle chancelait, cherchait un siège où se laisser tomber. Une vieille bergère de son enfance l'a reçue entre ses bras pleins de sollicitude. « Alors, que deviendra notre amour ? Murmurait la pauvre voix désabusée. Le piano dans la pièce contiguë précipitait des notes déchirantes. André sembla les écouter une minute, puis elle reprit avec un accent de douleur. « Est-ce que j'en serais déjà au point d'appeler du mensonge entre nous ?» Je songeais en la regardant. Nos mensonges sont quelquefois notre plus profonde vérité. J'ai repris ma place à côté d'elle, et mes paroles de réconfort faisaient l'effet d'une tisane refroidie dont on détourne la tête. Le mariage eut lieu dans une chapelle protestante des environs de Paris. Si étroite qu'elle fût, elle paraissait encore trop grande pour notre groupe d'amis. J'étais le témoin de Duncan. Je ne pouvais détacher mes yeux du visage d'André, lumineux dans sa paix reconquise. Je pensais, voilà, l'épreuve est accomplie. Ils vont être heureux. Je ne verrai plus à Duncan ses traits décomposés. Il a l'air d'un cadavre, ton Clarence, chuchota ma mère inquiète. Au moment où la limousine démarrait et où je reçus le dernier sourire d'André, il partait le jour même pour l'Espagne et ma mère emmena en Savoie la petite Claire avec sa gouvernante. J'étais tranquille, je travaillais. Le soir, je m'attendrissais en pensant à eux et je ne m'étonnais pas trop de ne point recevoir les cartes postales promises. Lorsqu'un beau matin, 15 jours plus tard, je me trouvai face à face avec Duncan au Luxembourg. Comment, déjà revenu ? J'étais stupide, je répétais, et moi qui vous croyais à Burgos aujourd'hui, justement. Il eut un sourire contraint et répondit à voix basse, « Nous ne sommes pas partis. » « Pas partis ? Et André, qui se réjouissait tant de voir l'Espagne ? Mais pourquoi ?» Alors, je remarquai sa pâleur, ses mains fébriles. « Pourquoi, au fait ? Pourquoi ? » redit-il avec un regard égaré. « Je ne sais plus. Duncan ! » Si vous tenez absolument à le savoir, c'est parce qu'ici, André me semblait plus en sûreté. Duncan. Un doute terrible m'assaille. C'est un regard de médecin que je lève sur lui, scrutant ses traits, examinant ses prunelles dilatées. Il devine mon pronostic. Non, old fellow, détrompez-vous, je ne deviens pas fou. Soyez en paix là-dessus. Au fait, pourquoi ne pas vous dire ? Vous trouverez toutes sortes d'explications très naturelles. Ajoute-t-il avec sa dure ironie. Il prend mon bras de son geste familier et nous remontons l'avenue comme naguère sous ce réseau de branches qui recevait nos confidences joyeuses. Il parle très vite et de longues pauses coupe les phrases saccadées. J'avais toujours évité de poser sur André le regard qui voit trop loin. Je n'osais pas. J'avais peur de savoir. Parce que je l'aime trop, et voici que, malgré ma volonté, je ne peux plus ne pas savoir. Et ce qui m'arrive, ah, ce qui m'arrive !» Alors, il me semble que les passants recueillent des bribes de cette confession incohérente et remarquent le visage trop pâle de cet homme hors de lui. Je propose doucement, « Mon cher ami, venez donc jusque chez moi, nous serons mieux pour causer. » Il me suit en silence. Dans mon cabinet, il s'effondre sur le divan et soudain il m'appelle d'une voix changée. « Pierre, mon vieux, il m'arrive quelque chose d'effrayant, quelque chose que vous ne pourrez pas comprendre avec votre bon sens de français. Et pourtant, il faut comprendre. Je ne puis plus rester seul avec ceci. » Et il passe les deux mains sur son front comme pour saisir un cauchemar. « Pierre, dit-il à voix basse. Je sais, je vois clairement qu'en épousant André, je l'ai condamnée, oui, et que le jour où elle sera ma femme, elle... » Le jour où elle sera sa femme, dit Vactil, veut-il m'éprouver ? Est-ce encore une de ces facéties lugubres sur lesquelles il ne s'explique point ? Mais ses yeux me regardent si remplis de douleur que j'ai pris sa main d'un geste involontaire. Dites-moi tout, Duncan, ceci relève de la pathologie. Tenez-moi pour votre médecin. Autant que votre ami. Je vois, comprenez-vous, je vois. Chaque fois que je me rapproche d'elle, que je la prends dans mes bras, je vois apparaître, à côté de son visage, entre elle et moi, une tête de mort. Je ne peux retenir un mouvement qui l'interprète aussitôt. Fou, non, je vous dis que je ne suis pas fou. Je n'ai jamais été si lucide. Je suis trop lucide. J'ai cru d'abord que c'était l'avertissement de reculer le mariage. Ensuite, j'ai cru que, lorsqu'André serait mienne, devant Dieu et devant les hommes, cette chose abominable disparaîtrait. Et voici qu'elle est plus distincte, plus intense que jamais, éclairée sur un fond d'ombre, le crâne, les dents brillantes, et ses mâchoires écartées par un rire, et les orbites qui sont comme un regard. Alors, pour sauver André, je m'arrache d'elle, je m'enfuis, et elle, naturellement, ne peut comprendre. Elle croit que je ne l'aime plus. Ah, notre nuit de noces! Il a un rire rempli de sanglots, puis il continue à voix basse. Et ce matin encore, je suis entrée dans sa chambre. Elle dormait, elle avait pleuré. Ses cheveux blonds couvraient l'oreiller. Je me suis penchée. J'aurais voulu l'éveiller sous mes baisers, la saisir, l'emporter, la fondre en moi, détruire l'affreuse image par la violence de mon étreinte. Et puis, sur l'oreiller, voici que la chose est apparue, si nette et si terrible, que je ne savais plus si c'était elle la réalité, et la face d'André, la vision. Alors je me suis enfui, et j'ai marché au hasard, jusqu'à l'instant où je vous ai rencontré. Il a laissé retomber sa tête dans ses mains. Il demande d'un ton d'infini découragement. « Et maintenant, old fellow, que faut-il que je fasse ?» C'est une consultation en règle que je lui ai donnée. Le diagnostic est clair, et tandis que je parle de phobie nerveuse, d'hallucination due au surmenage, de la nécessité d'un repos, d'un traitement approprié, une sérénité m'est rendue. Ce désastre peut se réparer. Un malade doit guérir. Ce bonheur, attendu avec tant d'ardeur et de patience, n'est pas gaspillé sans retour. Vous auriez dû parler plus tôt, mon cher ami. 15 jours de clinique peut-être auraient suffi. Et j'évoque notre pauvre machine nerveuse qui réclame ses droits. Je lui développe ma théorie des neurones qui s'applique si justement à son cas, les cellules nerveuses surexcitées précipitant leur course, multipliant leur prolongement comme un réseau inextricable et créant l'hallucination avec une énergie redoublée. Il écoute, le son de ma voix semble le soulager, je le regarde, il apparaît si robuste, ses longues jambes étendues dans le rayon de soleil barrant le tapis, avec ses épaules larges, ses blonds cheveux drus, j'entrevois la fraîcheur de sa joue rasée, de son cou jeune au sortir du col raide, et sa force me rassure. Il faut qu'il guérisse, il guérira. Alors je conclus, Duncan, il faut d'abord essayer ceci, de toute votre volonté, vous interdire de penser à cette image, vous persuader qu'elle n'est pas, refuser de la voir si elle apparaît encore, vous comporter comme si vous ne la perceviez pas. Vous entendez, il faut vous suggestionner vous-même, il faut que vous vous répétiez ce qui est la vérité, que ce phénomène nerveux a pour origine le refoulement, pendant votre adolescence, de votre être véritable, naturellement expansif, aimant, sensible, et que votre éducation puritaine a essayé d'étouffer. Il se venge aujourd'hui. Il évoque avec l'image macabre le symbole des formules où vous l'avez enfermé. Duncan, dites-vous bien que lorsque vous tiendrez votre femme dans l'abri de vos bras vigoureux, le malheur ou la mort ne l'atteindront pas. Et puis, je vais vous donner un peu de bromure, et si cela continuait, je vous prescrirais un traitement plus énergique, la cure d'isolement peut-être. Mais cela ne sera pas nécessaire, sans doute. » Il s'est mis debout. Mes paroles l'ont galvanisé. Il regarde autour de lui comme s'il venait de sortir d'un cauchemar. « Merci, old fellow. » Je l'ai pris par les épaules. Je l'ai poussé doucement vers la porte. « Allez auprès d'André. » Le regard qu'il tourne vers moi est redevenu normal. Il a presque un sourire. Et c'est de sa voix habituelle qu'il a dit « À bientôt. » Lui aussi, au nom de la raison, je l'avais envoyé à son destin. Le lendemain, je reçus par pneumatique une invitation à déjeuner. André m'accueillit avec son visage habituel. Depuis si longtemps, elle est accoutumée à parer d'un sourire sa peine la plus profonde. Cependant, je discernais sur ses traits comme une douceur de convalescence. Et dans le regard chargé d'amour qui revenait sans cesse à Duncan, il n'y avait plus d'anxiété. Je me félicitais intérieurement, il avait suivi mes conseils et l'amour le délivrait. Mais si le cauchemar était balayé, si Duncan, par moments, apparaissait transfiguré, les paupières mi-closes, absorbé dans un merveilleux souvenir, pourquoi ces gestes automatiques et, en de certaines minutes, cette attitude de somnambule qu'on n'arrive pas à réveiller ? Un souci me gâte cette journée, me dit André. J'ai reçu hier une lettre de votre mère. Ma petite fille a de la peine à s'acclimater. Elle est un peu souffrante, elle ne dort pas. Et la gouvernante, Mademoiselle Asselin, appelée par sa sœur malade, doit partir aujourd'hui. J'ai trouvé des paroles rassurantes, l'air des montagnes éprouvant au début les organismes nerveux, fortifierait la petite Claire. Ma mère soigne admirablement les enfants, la gouvernante reviendra ou l'on en trouvera une autre. Il faut apprendre à vivre l'heure présente, et l'heure présente est si belle. André sourit. « Merci, mon bon docteur, » fit-elle doucement. Était-ce une allusion au singulier mal de Duncan que j'avais guéri ? Elle s'éloignait et tout d'un coup se retourna vers nous. Entre les plis de la tenture brodée de pourpre, elle apparut si radieuse dans la souple robe blanche qui lui rendait quelque chose de son adolescence que je souris à mon tour. La vie chaude et éternellement jeune, triomphe de tous les vains fantômes. Le déjeuner ressembla à une dînette dans l'atmosphère légère de notre gaieté. L'argenterie, les porcelaines, le beau linge qu'on étrennait faisaient penser à des joujoux neufs. Notre gaieté, je remarquai bientôt que seul, André et moi, en faisions les frais. Au dessert, Duncan devint nerveux. Il tressaillait à tous les bruits. Il pâlit lorsque résonna le timbre de la porte d'entrée. On eût dit qu'il attendait. Nous prenions le café au fumoir quand le timbre encore une fois le fit sursauter. « Un fournisseur, » dit André. Et elle ajouta en plaisantant, « Personne ne sait que nous sommes à Paris. Pierre, n'allez pas nous trahir au moins. » Je mêlais mon rire au sien. Je me retournai tout à coup et je vis le domestique qui tendait sur un plateau une dépêche. Duncan, sans la regarder, la remit à sa femme. Elle la déplia, étouffa une exclamation et devint aussi blanche que sa robe. « Duncan, » murmura-t-elle, comme si elle appelait à l'aide. Déjà, il était auprès d'elle, lui prit le papier des mains et il murmurait « Ne vous alarmez pas ainsi, mon amour, ce n'est peut-être rien. » Elle répétait d'une voix atone « Il faut que je parte tout de suite, ce soir. » Je ramassai la dépêche sur le tapis. Claire, souffrante, réclame sa maman. « Pouvez-vous venir ? Claire, Asselin. » Pourquoi n'était-ce pas ma mère qui a signé ce télégramme ? Je remarque qu'un gros pâté d'encre recouvre l'indication de l'heure et du lieu d'enregistrement. Et je me retourne vers Clarence. André aussi le regarde. Elle redit « Ce soir, je partirai ce soir. » Sans doute attend-elle qu'il réponde « Je pars avec vous, je ne vous quitte pas. » Mais il se tait. Il est à demi détourné d'elle. Il contemple dans la glace le profil de sa femme. Ce n'est pas ce profil qui lui apparaît. Ses yeux se sont dilatés d'épouvante. Je devine. L'affreuse image est revenue. Elle occupe la glace tout entière. Duncan semble la mesurer. Oui, les orbites comme un regard, les mâchoires qui laissent passer un rire et ce brillant des dents qui l'hypnotise. Il recule. Il passe les mains sur son visage décomposé, mais la vision est toujours là. Elle perce le pauvre abri des doigts. Elle est installée dans ce cerveau malade. Elle s'impose entre nous avec une telle puissance qu'il me semble un instant la discerner moi-même au fond de cette glace, comme si l'hallucination de mon ami devenait contagieuse. André, tout à son angoisse maternelle, n'a rien vu. Elle ne s'étonne pas de l'immobilité de son mari qui la laisse feuilleter l'indicateur, et les doigts tremblants ne trouvent pas la page. Alors j'interviens. « Duncan !» Je le saisis violemment par le bras, je l'appelle, il tressaille enfin. « Ah, quoi ?» Il s'éveille, il est livide. Degré par degré, il émerge de l'horreur. « J'ai trouvé, » dit André, 8h50. « Duncan, voulez-vous téléphoner au PLM pour retenir une place ? Il n'y aura plus de sleeping, sans doute, mais peu importe. » Elle a recouvré son sang-froid, elle domine sa peine et ne pense qu'aux actes immédiats qu'elle doit accomplir. « J'ai quelques ordres à donner, » dit-elle. « Excusez-moi. » Elle est sortie. Alors j'ai dit à Duncan, « Ne l'accompagnez-vous pas, là-bas ? » Il a levé sur moi un regard stupéfait. « L'accompagner ? » Et comme si le sens de ma question lui devenait enfin compréhensible, il balbutia. « Je la rejoindrai plus tard. Votre mère préférera la voir seule pour soigner l'enfant. » « Je n'insiste pas. Je vois dans ce délai l'unique occasion de le soigner lui-même. J'en fais mon affaire. Oui, dès demain. » Au vestibule, j'ai rencontré André et j'ai voulu la réconforter. Avec les enfants, on est tout de suite inquiet et tout de suite rassuré. Cette dépêche, un remords tardif de la gouvernante qui s'en allait. Soyez sûr que, si ma mère était vraiment en peine, elle aurait télégraphié elle-même et en d'autres termes. Elle eut son demi-sourire si voilé de tristesse. « Que voulez-vous, mon pauvre Pierre ? La vie ne vous laisse jamais tranquille. Sitôt qu'on est heureux, on dirait qu'elle est jalouse. » Elle ajouta très bas, « ce voyage que j'avais voulu faire, il n'y a pas 3 semaines, n'est-ce pas ? C'est effrayant comme je suis prise au mot. » Je me suis efforcée de rire. « Allons, ne soyez pas superstitieuse, vous aussi. » Le soir, à la gare de Lyon, je n'ai fait qu'une brève visite dans le compartiment où André, à côté de son mari, retenait courageusement ses larmes. Je déposai quelques roses sur le coussin, baisai une pauvre main glacée et je dis à Clarence « À tout à l'heure, mon vieux. Je vous attends devant le kiosque à journaux, à moins que vous n'ayez changé d'idée, que vous ne partiez aussi. » « Non, répondit-il, je ne pars pas. André comprend mes raisons. Je pensais en m'éloignant, il est absurde. » Aussitôt, je rectifiais. « Non, il est malade. À moi de le guérir. » Lorsque le train ne fut plus qu'une étoile rouge qui s'enfonçait dans la nuit, Clarence passa devant moi comme s'il ne me voyait pas. Je le suivis, je pris son bras, je l'entraînai dans un taxi et le ramenai jusque devant son hôtel sans obtenir une parole. Il ne m'offrit pas d'entrée. Il me dit bonsoir, ouvrit sa porte et disparut. J'ai regagné mon cabinet de travail où je me suis enfermée. Je pense à Duncan, intoxiqué par l'idée fixe, et qui croit sauver sa femme de je ne sais quel danger en l'éloignant. L'affolement de ses neurones provoque dans son cerveau des associations d'idées baroques. Pauvre humanité, soumise à tant de tourments, et qui ne cesse de se créer des tourments imaginaires. Procession de fantômes qui la harcèlent tout le long de sa marche au néant. En plein bonheur, quelle pitié ! Duncan, c'est lui qu'il s'agit de sauver. Des épreuves d'imprimerie attendent sur la table. N'importe, je commence la bibliographie de son cas. Je cherche des analogies et compare des traitements. Le petit pâtre grec en face de moi et le dieu Janus, au double visage, me regardent en souriant. Les bruits de la maison sont éteints. Tout occupé de Duncan, je ne sens pas l'heure qui coule. J'ai sursauté lorsque vibrait la sonnerie du téléphone. Une voix que je ne connais pas tout d'abord m'appelle. « Allô, monsieur le docteur Savigné ? Qui êtes-vous ? C'est moi, John. Il est arrivé un accident à Lord Clarence. Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Parlez plus distinctement. » Ces paroles, entendues à moitié, mon cœur qui se crispe, c'est John, le domestique de Lord Clarence. Lord Clarence est évanoui, blessé. Venez tout de suite, monsieur le docteur. Je viens. Un doute affreux m'a saisi. Un suicide ? Ah, je n'aurais pas dû le laisser seul ce soir. Ma trousse, où donc est ma trousse ? Je cours dans la rue noire et déserte. Un taxi errant me recueille. Nous n'en finissons plus de longer la Seine, et quand il s'arrête devant l'hôtel éclairé, il me semble que depuis un temps incalculable, je chemine avec mon angoisse. C'est John qui me reçoit. Son flegmatique visage est funèbre. Je monte l'escalier derrière lui. Voyons, John, comment est-ce arrivé ? Lord Clarence était en haut dans la chambre à coucher. Nous avons entendu un cri terrible et puis le bruit d'une chute. Je l'ai trouvé sur le parquet, étendu de tout son long, la tête en sang. Duncan est insensible sur son lit, blessure du front saignant abondamment et sans gravité. Une coupure assez profonde qui s'est faite en tombant contre l'angle de l'armoire à glace. Quelques points de suture suffiront, mais la cause de cet évanouissement ? John, à quelle heure ? Pas plus de 10 minutes avant l'instant où j'ai téléphoné à monsieur le docteur. Je prends la montre de Duncan à son poignet inerte. Elle est arrêtée, elle marque 11h25 exactement. Duncan allait se mettre au lit. Il a son pyjama de soie hindou à grand ramage. Alors, Laissant errer mon regard perplexe, je remarque la coiffeuse Louis XVI, les glaces, les tapis, le lit drapé de roses. Cette intimité discrète où flotte le parfum d'André, il voulait dormir cette nuit dans la chambre de sa femme. Il ne fut pas facile de le tirer de sa syncope. Il était presque sans souffle, le cœur battant à peine. Il ouvrit enfin des yeux égarés qui ne me reconnurent pas. Il retomba dans une prostration qui le laissait inconscient entre nos mains. Assis à son chevet, je surveillais son pouls et je songeais à André, que chaque minute emportait plus loin de son amour. Par degrés, Duncan glissait au sommeil. Sa respiration s'affermissait, devenait égale. Un peu de couleur revint à sa face tirée. Cependant, à mesure que se dissipait mon inquiétude, je me sentais davantage rivé à son chevet. Une pendule sonna 4 heures. Je frissonnais tout à coup et je me levai, cherchant une couverture pour m'envelopper. Ce fut à ce moment que Clarence ouvrit les yeux. Son regard flottait à la dérive, passa sur moi, erra dans la chambre et se fixa. Je vis frémir ses épaules. Il se dressa sur son séant et jeta comme un appel au secours. « Pierre, mon ami !» Je pris ses mains glacées et, tendrement, je le rassurai comme un enfant effrayé. « Je suis là, tout près de vous, mon cher ami. » Entendait-il ? Il articula d'un ton bref, comme un ordre, l'auto. Il pressa son front dans ses mains, ses doigts rencontrèrent le bandage. « Vous êtes tombé, Duncan. Vous vous êtes un peu blessé. Ce ne sera rien. Dites, qu'est-il arrivé ? Pourquoi êtes-vous tombé ? Qu'on prépare l'auto, tout de suite, la limousine. » Il rejeta la couverture, essaya de sortir du lit. « Il faut aller là-bas. » « Où voulez-vous aller, Duncan ? Il est 4 heures du matin. Dormez encore un peu. Vous venez d'être souffrant. » Mais lui, debout sur ses jambes flageolantes, continuait de cette voix sans inflexion qu'il tirait péniblement de sa gorge serrée. « J'ai vu le train, les blessés, les morts, le sang, et elle, couchée sur le ballast. Il faut que j'aille auprès d'elle, tout de suite, tout de suite. » En titubant, il cherchait ses vêtements épars et répétait « tout de suite ». J'essayais en vain de le rappeler à la raison. Un mauvais rêve, un cauchemar, qui s'expliquait très naturellement. Ses nerfs tendus, ses neurones surexcités. L'explication fut coupée nette. « Réveillez le chauffeur, qu'il prépare l'auto. »« Mais où voulez-vous aller, Duncan ?» Il eut un geste d'incertitude et d'épouvante. « Auprès d'elle ?» André approche de Bellegarde. Elle va prendre le train d'Annecy. Nous pourrons lui télégraphier un peu plus tard. » Redevenu étrangement lucide, il regarda sa montre, vit l'aiguille arrêtée, fit un calcul rapide et murmura « 11h25, ce doit être tout près de la roche. Nous y serons en 2h30. Je vais réveiller le chauffeur puisque vous ne voulez pas comprendre. » Il était impossible de lutter, impossible de le retenir. Mieux valait se prêter à son absurde fantaisie. Le laisser constater lui-même l'inanité de ses divagations. Il deviendrait plus docile et se soumettrait au traitement que j'allais sur l'heure lui imposer. La voiture n'était pas prête, il y eut un pneu à changer, il fallut trouver de l'essence, réveiller des gens, forcer l'entrée d'un garage. Il pouvait être 6 heures du matin quand nous sommes partis. Paris s'animait de la vie pauvre et hâtive du crépuscule. Les longues suites de charrettes et de camions nous retardèrent. Clarence, penché, les yeux vaguant le long des rues, ne sortait de son mutisme que pour jeter au chauffeur un ordre bref. Enfin, nous filons sur la route de Melun. C'est le jour, un jour anémique et vaincu d'avance, qui se perd dans le brouillard. Nous roulons à travers une grisaille épaisse, des amas d'ouates où les phares découpent une longue trouée jaune. La puissante limousine dépasse d'autres voitures, apparues tout à coup comme des fantômes rapides, projetant le rayon misérable de leurs lampes. Vers quoi processionnent toutes ces automobiles, à cette heure dangereuse? Et nous, où allons-nous? Jusqu'à Annecy, sans doute. Duncan a besoin de revoir le calme sourire d'André. Je hausse les épaules et je pense à la besogne urgente qui attend sur ma table. À Sens, court arrêt. Il faut changer une bougie. Alors, cédant à une impulsion machinale, je vais acheter un journal que je ne déplie même pas. Et je constate que le brouillard remonte, qu'il s'installe comme un toit, laissant filtrer le jour. C'est à ce moment que deux passants m'ont bousculé, et comme je me retourne, je saisis leurs paroles. « À la roche, 15 morts ?»« 15 morts pour commencer, l'express !» Cet éclat de tonnerre qui retentit au plus profond de moi. Le journal, n'ai-je pas un journal ? Mes doigts tremblants le retrouvent, le déploient, le déchirent, et la brève dépêche me saute aux yeux. Terrible accident près de la roche, cette nuit, à 11h25. L'express de Genève partit à 8h50. 3 kilomètres après la roche, s'est jeté sur un train omnibus. Des morts, des blessés, du sang, ces mots ont été prononcés déjà. Qui donc m'a communiqué l'obscure certitude à laquelle je n'ai pas voulu croire, la certitude brusquement réveillée ? Les maisons tournent autour de la place. J'essaie en vain de rattraper mon souffle. Il faut pourtant rejoindre Duncan, marcher sur ses pavés qui se dérobent et rencontrer son regard. Lui dire quoi ? J'ai caché le journal dans mon manteau, tant bien que mal j'assure ma démarche. Il est penché sur la boîte à outils qu'il referme. Je suis parvenu à marteler très vite. « Vous avez remis la bougie, nous partons ?»« Oh !» dit-il d'une voix blanche. « Maintenant, vous savez. » Il ne pose aucune question. La glaciale morsure du vent me remit un peu. Je rassemblais mes pensées, je supputais les chances. 15 morts. Il y avait de l'espoir, beaucoup d'espoir. Le compartiment d'André se trouvait au milieu du convoi. Ce souvenir précis me rassurait. Elle était sauvée, évanouie peut-être, couchée sur le ballast, meurtrie, blessée même, mais vivante, vivante. Couchée sur le ballast, Duncan l'avait vue à la minute exacte de la catastrophe. Ce phénomène de la télépathie que j'avais toujours refusé d'admettre, faute de preuves, je venais d'en être le témoin. Cette constatation m'abasourdit au point de me distraire de mon anxiété. Un instant, mes convictions les plus solides m'apparurent falotes et fuyantes, comme ces arbres incertains qui se poursuivaient le long des champs. À un passage à niveau, nous nous sommes arrêtés. Je vis le chauffeur descendre, interroger le garde-voie et revenir en courant. « Il y a eu un accident sur la ligne cette nuit, mylord. Les trains ont beaucoup de retard. Nous aurons peut-être longtemps à attendre. » Duncan ne répondit rien. Son visage de marbre n'eut pas une contraction. Je fis signe au chauffeur de se taire. Il se mit au volant. Enfin, nous sommes repartis. Devant la gare de la Roche, il ralentit l'allure et s'inclina vers son maître. « C'est 3 kilomètres plus loin, l'endroit, » dit-il. « Mylord, veut-il que je continue ?» Ce fut moi qui répondis. « Non, attendez, je vais tâcher d'obtenir des renseignements. » Et j'ajoutai à voix basse, « Ne quittez pas Lord Clarence. » Maintenant qu'il était tout près d'arriver, Duncan semblait retomber dans la prostration de cette nuit. À demi renversé sur les coussins, il n'était plus conscient de nos paroles. Il ne me vit pas sortir de l'auto. Je fus heureux de ce délai. Une foule, tenue en respect par les agents, encombrait la place. À grand-peine, j'atteignis le chef de gare. Il tourna enfin de mon côté sa face jaune et hagarde. « C'est pour un journal, je ne suis pas responsable. Ce n'est pas ma faute si l'omnibus est resté en carafe. Non, je désire savoir si ma sœur qui voyageait dans ce train est sauvée. » Ma voix, mes mains qui tremblaient, le rassurèrent immédiatement. « Venez !» Et il me remit à un employé supérieur qui me conduisit à son bureau. Alors, assis devant sa table, cet homme, d'une main lente et soigneuse, se mit à feuilleter des papiers. « Les victimes sont toutes identifiées, » déclara-t-il. « Les voyageurs pour la Suisse et l'Italie ont leur passeport, d'ailleurs. Voici la liste des décédés. » Il déploya un papier, assujetti des lunettes, et je voyais danser tous ces noms qui s'alignaient au-dessous de l'entête en lettres grasses, compagnie du PLM. « 18 morts jusqu'à ce matin, » dit-il de sa voix officielle. « Quel nom désirez-vous ? Lady Clarence, domicilié à Paris et rue Vineuse. » Son gros doigt mâchuré à l'ongle noir glissait le long des lignes. « Peut-être cette dame est-elle sur la liste des blessés, » dit-il plus doucement, comme s'il avait entendu les battements forcenés de mon cœur. Le doigt hésitant s'arrête presque au bas de la page, et j'entends cet inconnu déchiffré. « Lady Clarence, rue Vineuse, Paris 16e. »« C'est bien cela, » dit-il, en repoussant ses lunettes. « Voyez. » Je lis à mon tour le nom de la femme de Duncan, si vous voulez la reconnaître. Il me donne des explications que je n'entends pas. Toute ma pensée est suspendue à cette perspective. Retourner auprès de Duncan, lui dire. Je marche très lentement pour affermir mon pas. La foule s'écarte et me laisse passer. Il me semble que je porte les débris d'un objet très fragile auquel il s'agit d'éviter le moindre choc. Voici l'auto. Duncan me regarde. Il ne fait pas un mouvement. Il a l'air frappé de paralysie. Je fais signe au chauffeur de s'éloigner et je m'approche. Plus près. Encore plus près. Duncan. Il n'a pas bougé. Ses lèvres remuent faiblement dans son masque figé. Je sais. À cet instant, je revois André déchirant la dépêche que Duncan lui-même avait envoyée pour la sauver d'un péril imaginaire, et toute ma pitié me monte aux lèvres dans un sanglot. Mon ami, je l'ai pris aux épaules, je l'étreins contre ma poitrine, des ténèbres tombent sur nous.